Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Oui, bienvenue voilà. Tout le monde, vous écoutez Tortoli et Arbatax, vous écoutez le 105.4, c'est Radio Panique. On est là tous les mardis de 17h à 18h et aujourd'hui, figurez-vous, figure-toi mon petit Arbatax que... L'émotion m'empêche de parler presque. Deux ans nous séparent du début de cette émission. De cette aventure. On parle souvent d'aventure. Carrément. C'est une émission anniversaire. Effectivement, 2 ans, c'était en février 2010. On va un peu se le fêter tout seul, tranquillou quoi. À la bien. Nous, on est pas trop anniversaire déjà à la base. On est juste s'il y a un gâteau, c'est pas mal. On se l'est ramené le gâteau. On va se le partager. On va se faire 2 tranches. Ça va être vite fait. Et après, on va se le fêter comme il se doit, tranquillement. La main dans la main, le coude dans le coude. Voilà, coude à coude. Coude à coude. Et restons coude à coude pour ce générique qui va arriver tranquillement. Petit clin d'œil à la Belgique, ça s'appelle les SNUL. Je crois que nombreux sont ceux qui ne connaissent pas. Par contre, c'était des humoristes, je crois. En fait, je suis en train de me dire, j'en fais partie. Voilà, les SNUL. Ça s'appelle Bon Anif et ça a été proposé par un auditeur. Thierry, me semble-t-il. Tristan. Ça a commencé par un T, peu importe. Les SNUL, hey, Bon Anif. Sacré paysan, c'est mon ami. Sur la com de la com de Radio Panique. Âge, sexe, ville, ASV. Oula. Arthur, comment t'appelles-tu? Arthur. Ça, j'ai tout appris de Nagui. C'est ça la brosse à dents. Dis-nous 2-3 mots de Tortolière Batax. Tortolière Batax. Mais il paraît que c'est bien, il faudrait peut-être que j'écoute. tu savais que ça faisait 2 ans qu'on avait une émission ici ? Non. La semaine prochaine, ça fera 2 ans pile. 2 ans pile, c'est fort. C'est... Et toi, t'es là depuis combien de temps, toi ? Moi, je suis là depuis 9 mois. Je suis un petit joueur. À qui tu dois le respect éternel ? À vous, au moins. Voilà. Tu peux le répéter, ça ? Le respect éternel, à qui ça, le respect éternel ? À vous. Très bien. Il y a eu de l'évolution depuis 2 ans ? C'est nous qui posons les questions. Physiquement, j'ai évolué, mais je peux pas te montrer. Ah, mais... d'accord. Mais non. Si, forcément. Si. Ouais. Non, mais on est... S'il fallait que j'écoute qu'une seule émission... En fait, on était déjà au top. Mais là, on est au-dessus du top. Quoi. Ouais. Mm-hmm. S'il faut en écouter une. Ouais. Mettons que j'ai pas le temps et que... Bah, la prochaine, celle où tu seras peut-être dedans, avec ce message. J'écouterai alors. Très bien. C'est tout ce que tu nous souhaites. Ben, encore 2 ans. Yes. Merci. Merci. Bon, ça ira. Bon, ça ira. C'était une petite capsule. C'est une petite capsule. Effectivement, nous avons reçu des cadeaux. Tortolère Batax nous a laissé des petits messages, en fait. Enfin, nous a laissé des petits messages. Finalement, ouais, il y a eu des cadeaux, quoi. C'est un peu nous qui les avons demandés. On nous entend dans ces petites capsules sonores. C'était donc un petit clin d'œil à Arthur, qui est ici même présent dans les studios en direct sur Radio Panique. Il est dans les bureaux, lui, il taffe. Il est pas comme nous. Et voilà, il y aura plusieurs petits messages comme ça que des amis de Tortolère Batax. Enfin, il travaille. Moi, j'aimerais bien travailler comme ça. En fait, je sais pas ce qu'il fait, Arthur. Je l'aime bien, hein, mais je sais pas ce qu'il fait. Gratte la barbe. La com, apparemment, il fait de la com. Tranquille. Ok, et donc, merci à lui. Et il y en aura d'autres dans l'émission, des petits messages, des amis. Donc, restez à l'écoute, les amigos. Là, on est en train de parler sur un petit son qu'on appelle un tapis. Je ne sais pas comment on appelle ça, un tapis sonore. C'est Mode Selector, exactement. Et le titre, figure-toi, c'est Happy Birthday. Enfin, ça n'a pas été choisi innocemment. Voilà. Et Mode Selector n'a pas été choisi innocemment non plus, puisque la semaine prochaine, on vous en reparlera. Voilà. Je t'en mets une double. Bravo. Voilà. Pour toi. Étant donné que Mode Selector la semaine prochaine sera présent aux soirées PS Night, les soirées PS Night dont on vous fera gagner des places. Alors restez à l'écoute, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Chance. On n'en parle pas plus. On garde le. C'est notre anniversaire et on offre des cadeaux. Quoi. Voilà, mais on est comme ça. On est comme ça. C'est cadeau. Bon allez, on va rentrer dans le vif et dans l'express. Le vif.be. De cette émission, on va se partir avec un petit son de MIA, voilà, MIA de retour dans l'émission, elle est de retour dans Tortulaire Batax et elle était de retour devant, combien il y a de spectateurs là, combien ils sont ? 100 millions, j'en sais rien, je sais pas combien ils sont. Il y a... De spectateurs, ils doivent être des dizaines de milliers, mais de téléspectateurs. Ils sont je pense qu'ils sont des millions. Des centaines de millions peut-être, dans le monde. Toujours est-il que. Elle était au Super Bowl, voilà. Au Super Bowl, à la mi-temps, il y a toujours une espèce de grosse fête, un peu comme nous pour nos 2 ans, on fait une grosse fête. Voilà. Et Mia était invitée de Madonna, la chanteuse. Oui. Pas la travestie de la rue d'Ascot. Non, voilà. Mia a donc créé le buzz en juste levant un index, buzz, quoi. Le buzz. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, ça a été amplifié, désamplifié. Toujours est-il qu'au States, c'est un petit peu compliqué de faire ce genre de choses subversives, à savoir juste un petit doigt d'honneur levé. Sachant qu'Amaya est anglaise, donc ils ont pas dû se gêner pour. Tu peux répondre, hein, y a pas de problème. Ou tu peux raccrocher aussi. Vas-y. Ça, je vais répondre. Je te laisse parler. Alors. Vas-y, y a pas de souci. Amaya, petite anglaise, qui était donc à la mi-temps du Super Bowl la semaine dernière, le week-end dernier. Aux States, elle a fait un petit doigt d'honneur en direct devant des millions de téléspectateurs. Petit buzz donc aux États-Unis. Elle est en featuring sur un morceau de Madonna. Et là, toujours est-il qu'on va vous passer un nouveau son, quoi. Parce qu'elle a un nouvel album qui sort. Le son là qu'on va vous passer, il s'appelle Bad Girls. Voilà, comme par hasard. C'est le cas de le dire. Et le clip est aussi très intéressant. Vous ne le regarderez donc pas avec nous, mais vous le regarderez tout seul chez vous. Ouais, non, moi je viendrai pas. Moi. Ça reste de la radio. Ça, on a nos petites limites quand même. Mais donc regardez le clip. Il est signé Romain Gavras, qui avait signé le clip de Justice pour Stress. Le morceau Stress. Le clip de MIA déjà. Déjà. Born Free. La chasse à un rouquin. Voilà. C'était assez violent. Et qui présageait déjà du long métrage de Romain Gavras, qui ensuite s'est appelé Un jour viendra. Notre jour viendra. Ouais. Avec Cassel, etc., qui était aussi sur les roues. Enfin bref, toute cette histoire pour vous dire que maintenant sur Tortoli et Arbatax, c'est MIA, nouveau morceau Bad Girls, ça sonne un petit peu oriental. c'est normal. Sug life quoi. Sug. MIA Bad Girls. Restez connectés, c'est le 105.4. DNA. C'est la fête, hein. MIA. Sarah, stagiaire à Radio Panique. Tout à fait, depuis une semaine. Une semaine, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, même question que pour Arthur. Qui tu dois le respect éternel ? À vous. Très bien. T'as écouté notre émission ? Si t'as juste 2-3 mots à dire dessus. J'ai écouté 10 minutes. Et ça a l'air chouette, ça a l'air sympa. Et vous avez l'air sympa. Et longue vie à votre émission. Merci. Merci. Je te lâche le bras maintenant, merci. C'est bon. Et donc voilà. Merci Sarah. Merci. Où as-tu passé la nuit ? Dans une rêve partie, tu rentres à midi. Mais peut-on m'expliquer ce qu'est Il y a la pleine lune, la musique, la danse. On est en transe et on dit qu'on y prend de l'ecstasy. De l'ecstasy, ça je te l'interdis. Mais maman, je dis qu'il n'y a vraiment que la musique, la danse. te plaît, tu allais à cette répartie, à cette répartie, avec des amis que j'ai rencontrés au Balariki, au Balariki, au Balariki. Je te défends de remettre les pieds dans une répartie. Je vais t'enfermer à clé, tu m'entends, mon maman. Laissez-moi seulement vivre ma vie comme j'en ai envie. Wenn der Bruno mal tot geht. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et C'était donc. C'était un extrait d'une invitation, comédie musicale. Oui. Une invitation à aller au Balariki. Hein. Quelle horreur, quelle horreur. Non mais franchement, c'est pas scandaleux. Et ils se sont permis justement de se répéter 3-4 fois tel un refrain ce truc Balariki, alors que c'est une grosse faute de français, non? On dit pas le Balariki, quoi. Quand je te citerai les gens qui participent à cette comédie musicale, tu comprendras la franchitude. Vas-y, cite-moi un petit peu le palmarès, le pedigree. C'est une comédie musicale de Luc Plamondon. D'accord. Le fameux. Au niveau du casting, de choix, il y avait Lam, Asia et Karine Adadou. Il a fait les poubelles, quoi. Voilà. Il a un peu ramassé Il a ramassé les troisièmes couteaux. Et apparemment, c'était pas le sac bleu ni le sac jaune, c'était le sac blanc, quoi. Bah, c'était un peu le tout venant. Non, il n'y a pas de tri. Ah non, non. Non, apparemment, il a tout pris, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Pas d'inquiétude pour nous, on n'ira pas fêter notre anniversaire. Ça s'appelait donc Cendrillon 2000, et si vous voulez retrouver ça, si jamais vous ne connaissiez pas, c'est le morceau Rave Party. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, voilà. Et il faut pas aller au Balariki, surtout. Hein. Surtout pas. Surtout pas, mais du coup, en parlant de drugs. En parlant de drogue, voilà. Ce morceau s'appelle Drugs et c'est signé Ratatat, qui nous avait déjà signé notre intro avec Lord Pipes. Ils sont à l'honneur, Drugs. Répète-moi ça. L'esprit est fin, mais l'âme est froide. C'est bien, non ? J'ai pas compris. L'esprit est fin, mais l'âme est froide. C'est pas un compliment, ça. Bah, je sais pas, l'esprit est fin, mais l'âme est froide, quoi. L'âme est froide. Bah ouais, l'âme est froide. L'âme, la chanteuse. L'âme. L'âme, elle, y apostrophe virgule. Âme est froide. C'est vrai, en plus, c'est marqué. Salaud. C'est pas, en plus de, t'as pas un message d'anniversaire. Prendre à César ce qui est à César, c'est pas. Tu veux pas qu'on fasse un truc un peu non, mais conventionnel. C'est bien, ça. Tortolier Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Radio Panique, vous écoutez Tortolier Arbatax, le 105.4. Juste avant, c'était un petit message de Ricul, de son blaze. C'était très gentil. Hein. L'âme est froide. Bah ça, je ne sais pas. Je le corps est chaud. Mais l'âme, on en parlait justement, là, juste avant, là, dans la comédie musicale. D'où la transition. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais est-ce qu'elle est froide? Je ne sais pas. Par contre, l'âme est froide. Le ciel est chaud. Les paroles sont très fines. Non, j'aime pas. On se le remettra tout à l'heure. Rien compris. Non, je ne sais pas comment on doit prendre ça, mais. Bonhomme. On se remettra ça. Et puis juste avant, en tout cas, c'était donc Drugs, un morceau de Ratatat. Mais maintenant, c'est l'heure de l'expression de la semaine. Celle-là, on ne vous la fait plus, vous l'avez reconnue. Elle approche et on peut même déjà commencer par récapituler le score. Je vais aller assez vite parce que je sais que Tortoli n'a pas encore son expression, donc non, si au plus je vais vite, au plus je vais le mettre dans la merde. Attends, je l'ai. C'est bon. Non mais y a pas de souci, ça fait. Donc je te fais croire. Très bien. Donc les cordeliers de la semaine dernière, non, pas de souci. La semaine dernière c'était pas mal. Je revois là actuellement ce qui était en jeu, en match. Excuse-moi, t'as dit que t'allais vite. Je temporise un petit peu, effectivement, je temporise. Si tu veux temporiser, je t'envoie une pub. Hein. Travaille ton crochet du droit encore un petit peu, bon, t'inquiète. C'est gagné. La semaine dernière, c'était Merci d'être velu. Donc voilà, qui a remporté 6 voix contre T'es une pipe. Mais quelle pipe, ce mec. Donc pipe qui remporte 2 voix. On peut parler d'une victoire à plat de couture. Ouais, mais après moi j'ai eu 3-4 personnes dans les soirées qui m'ont dit ouais, ah c'est toi la pipe. voilà, ton pote qui parle avec toi à la radio c'est une pipe. Tu vois, du coup ça rajoute des voix. Après ouais, je suis peut-être à 10 voix. Les relations orales comme ça ne comptent pas. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit les gars, putain mais écrivez les gars, sur Facebook, les filles, quoi, mettez, voilà. Pokémon. Envoyez-moi un mail sur Gmail ou des trucs comme ça, histoire de kicker un peu Arbatax. Ils assument pas leur vote. Ils assument pas. Apparemment non. Mais c'est très bien. Le but étant que ce soit utilisé dans le civil, je veux dire. Hein. C'est ça. Ça doit un petit peu sortir de la radio, sortir des studios. Et ça me fait plaisir si tu l'as repris comme un petit boomerang dans ta face. En tout cas, c'est encore une victoire de canard. Donc ça fait plaisir. Merci d'être velu. Hein, ça, je sais pas, moi, on me l'a pas dit, mais ça a bien dû cartonner. Merci. On va vite ou pas ? Eh ben, on va vite. Je te vais même te laisser la main. Je laisse la main. Ah, laisse-moi la main. Très bien. Tortoli, s'il vous plaît. Mon expression cette semaine. En combien de briques ? Voilà, une brique. En une brique. Pas les couilles. Vas-y. Voilà. Une brique, moi mon expression elle est un peu géographiée. Elle est en rapport avec la géographie. Ouais. Mon expression est la suivante. C'est une réponse de Normand. Eh ouais, ça veut dire, je m'explique, calmez-vous, je les vois déjà derrière Facebook en train de gueuler. C'est par exemple, je te pose une question et toi tu me fais une réponse qui est un peu ambiguë, qui est un peu. Tu bafouilles, tu dis des conneries, enfin on comprend pas trop. Je te dis, mais c'est. Qu'est-ce que c'est que ta réponse normande ? Ou qu'est-ce que c'est que te. Bah c'est. Enfin, voilà, c'est vraiment une réponse de Normand, quoi. Oui, mais non, quoi. Un truc un peu. Parce que. Peut-être, quoi. Pourquoi ? Parce que les Normands ont la réputation d'être rusés et sournois. Donc ça, je la place pour tous les gens de Elbeuf et toutes les conneries là-bas. Un constat tiré de ton expérience personnelle, je pense. Les Normands, c'est. Tu vois mon nez ? Bah, ils sortent. Ils sortent de là. T'as côtoyé il y a quelques années Miss Normandie, apparemment. Tu peux. Miss Normandie, c'est ça, ouais. C'est peut-être ouais. Ça qui. Non, je préfère. Là, sur ta question, je préfère te faire une réponse de Normand. tu vois, pas vraiment. Peut-être. C'est possible, il paraît. Je vérifierai, quoi. Apparemment. Je suis pas sûr. Donc voilà, mon expression est donc la suivante : faire une réponse de Normand ou répondre à la Normande. D'accord. J'ai aussi une expression. J'espère que tu vas être au niveau maintenant. J'ai une expression de normand dans le sens où elle est ambiguë, moi aussi. Disons, dans le sens où elle est pas vraiment ambiguë, mais j'ai pas vraiment le sens, mais c'est plutôt phonétiquement que ça me plaît. Elle est en quoi, ambiguë? Qu'est-ce que c'est que cette matière, le ambiguë? C'est quand les mecs jurent, t'affirment quelque chose et rajoutent par derrière pour bien te marquer l'intention et marquer leur affirmation et leur comment dire, c'est trop long, leur assurance sur ce truc. Ils finissent par que le grand cric me croque, en gros j'en mets ma main coupée, enfin je sais pas, je présume que ça veut dire ça, mais ce que j'adore c'est que quelqu'un qui dit que le grand cric me croque, c'est, je sais pas d'où ça sort. J'ai fait une petite recherche, le seul truc que j'ai trouvé c'est que le capitaine Haddock le dit dans les aventures de Tintin, donc peut-être que ça vient d'Hergé, du capitaine Haddock. Dans tous les cas, que le grand cric me croque, je sais pas, peut-être que ça veut dire qu'on me... La vérité de ma mère, quoi, la tête de mon père, si jamais je te dis une connerie, peut-être que... Est-ce que c'est que le grand cric me croque, si jamais je te raconte des bobards, quoi? En tout cas, que le grand cric me croque. Si je ne gagne pas cette expression de la semaine, ton expression de la semaine a l'air un peu en forme de Normandie, quoi. Tu vois, un peu une réponse à la Normande, quoi. Non, mais disons qu'en... Oui, voilà, en gros, j'essaie de l'expliquer alors que je ne connais pas la définition. C'est un bel exercice, un bel exercice. Ça résume bien tes études. Que le grand cric me croque, si quelqu'un trouve la définition de que le grand cric me croque. En tout cas, ah oui, si quelqu'un a la réponse à cette question, ouais, il te l'envoie, quoi. Par contre, je veux bien, ouais, parce que je sais pas c'est quoi l'origine de ce truc, mais phonétiquement ça sonne bien là. Cric croc, crac cric, crac crac, j'aime bien moi, tout ce qui fait crac, croc. Oh, c'est un peu sexuel du coup. Non, pas du tout. Non, le grand, non, pas du tout. Non, c'est mécanique. Ah. Oh, la réponse de Normand que tu m'as fait là. C'est ambigu, hein. Un petit peu, mais ça va. Très très bien, très très bien. Allez tous voter et mettre vos petits bulletins dans l'urne. À partir de maintenant, sur Facebook, vous pouvez nous laisser votre choix. Et puis, ça y est, j'ai déjà une réponse. 1-0. Dès que l'expression de la semaine, dès que la rubrique sera podcastée, vous pouvez aussi faire suivre les commentaires juste en dessous ou nous envoyer un mail à tortoli@arbatax.gmail.com. Comme ça, c'est pratique aussi. En attendant, on repart tranquillement sur Holly Cook, qui pose un petit featuring sur un morceau de The Shoes. Exactement, The Shoes des Rémois, donc du nord-est français. Et Holly Cook, je vais dire quelques mots sur Holly Cook. C'est la fille du batteur des Sex Pistols, Paul Cook. Donc voilà, cette jeune fille de maintenant 25 ans est quand même née dans un certain milieu. Oui, quand même. Il se trouve que sa mère était aussi une pop star des années 80. En Angleterre, donc on voilà, son nom une par famille par respect. Par respect, on taira son nom. Holly Cook est en concert demain avec Prince Fatty et un autre inconnu. Oui, Prince Fatty, c'est du dub, des remixes. Du dub reggae, ouais, quand vous avez passé. Reggae, ouais. Avec ouais. Horseman, on vous avait passé un titre, c'était Insane in the Brain. Intéressant aussi, j'aime bien. Donc là, Holly Cook est demain en concert au VK. Au VK situé près du canal à Molenbeek. Molenbeek, ouais, tout à fait. Et voilà, il vous en coûtera une bonne dizaine d'euros tranquillement. Il y a trois groupes. On va faire ça bien. À la Normande, on va faire ça à la Normande. Une bonne dizaine d'euros, quoi. Pas plus, pas moins. Voilà. Hein. Ni plus ni moins. Très très bien. Et c'est là, parti. On s'écoute le petit Holly Cook. Il s'appelle Baby et c'est en collaboration avec les amis de The Shoes. Je t'ai dit bon anniversaire. T'as dit qu'on se rejoigne juste après pour la chronique du français de la semaine? Peut-être. Ah non, je l'ai pas dit. Espèce de normand. Bra! pas. Voilà, j'enregistre. Voilà. Tortelier Batax, on fête nos 2 ans. Si vous avez un petit message à nous laisser, c'est avec plaisir, ce sera un cadeau. Bah, comme disait un grand philosophe français, je chante faux, mais je parle juste. T'as raison. Cocorico, coclorico, crococlico. Qui sera le français de la semaine? Ah, qui sera donc le français de la semaine sous ce petit air de guinguette normande, je crois. Enfin voilà. Enfin, ça, c'est oui, un enchaînement de normand que je te fais. Que le grand cric me croque si cette guinguette est normande. T'es pas obligé de sortir ton expression dès que je sors la mienne. Ouais, c'est un aveu de faiblesse. C'est action-réaction, quoi. Il n'y a pas de problème. Le français de la semaine, retour de la chronique. Ils font le buzz, ils ou elles font le buzz. Par homme, on entend homme-femme, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Cette semaine, d'ailleurs, petit indice, ce sont des hommes. Ils font l'actu, dont vous en avez sûrement entendu parler, probablement, au travers de vos médias préférés, j'imagine. Mais quand bien même, nous allons garder un petit suspense quant aux 2 nominés cette semaine. Puisqu'il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 nominés. Peu d'actu cette semaine, oui. Il y avait aussi des gens qu'on voulait pas forcément mettre en avant, quoi. Je parle de Jean, Claude Guéant, de voilà. Ce genre-là. Non, ceux-là jamais. Ils font l'actu, mais ils ne devraient pas la faire. Et Tu ne seras jamais nominé, Claude Guéant. Claude Guéant. Ce nom me donne des frissons là, au niveau de la moelle épinière. Ah, je les vois, ouais. Oui. C'est comme, des frissons. Oui, c'est le monsieur des charters. Ah non, ça c'est Hortefeux, les charters. C'est pareil. C'est Oh, mais on va tout pas, c'est, on tout va, c'est normand. Attends, Arbatax. On va pas se péter notre anniversaire là en parlant de ça. Attends. On va plutôt se péter une bonne bouteille de champagne. Allez, accordéon, Yvette Horner, c'est reparti. Ça, c'est un beau cadeau, c'est bien mérité. Oui, je parlais donc de nominés effectivement cette semaine. Le premier, on va laisser partir un petit indice pour taire son nom encore quelques secondes. Vous l'avez tous regardé, hein. Rappelez-vous, c'était à peu près ça. Badoumba. Donc cet homme nominé au Français de la semaine est Christian Blachas. Christian Blachas qui est décédé il y a de ça 2 jours, puisque c'était le 5 février, il avait 65 ans. Hommage, pas vieux, hein, pas vieux le bonhomme. Effectivement, je me rappelle bien de sa tête, ouais. Ça passait sur M6 à l'époque, Culture Pub. C'était juste avant ton film préféré le dimanche soir. Oui, c'est ça. les contes de la crypte, c'était le jeudi, moi, pardon. Moi, c'était le jeudi, je regardais M6. Je croyais que c'était des petits trucs érotiques, là, chinois et tout. Oui, c'est Emmanuel, tout ça, là, ouais, je connais. J'ai racheté le fauteuil il y a pas longtemps aux enchères, là, à la maison. J'ai le coffret, moi. Très bien. Enfin, toujours est-il que Blachas, ce pauvre Christian joli Blachas. Nom aussi. Christian Blachas, c'est donc le premier nominé. Est-ce qu'on va passer au deuxième nominé? Parce qu'on peut passer sur un truc un peu plus gay, un peu plus sympathique. Oui. C'est quand même notre anniversaire. Enfin, gay, tu vois, il est loin d'être gay à mon avis celui-là. Allez. Disons qu'il a un bon gabarit. Indice. Ouais, Chabara Bazooka dans la passe. Ça y est, c'est la coupe du monde de rugby en France. Marseille, Biarritz, Toulouse, Clermont, sans oublier Paris. Tous sont derrière la France. Oh, le Romani! Il n'aime pas qu'on l'appelle Hannibal. Sébastien Chabal, il est phénoménal. C'est donc Sébastien Chabal. Sébastien, voilà. Alors, Chabal. Pourquoi une nomination dans ce cercle très fermé des Français de la semaine? Je peux un petit peu amener le sujet, bien que je n'y connaisse pas forcément. Ah, tu vas nous faire une réponse de Normand, là. Je te vois venir. Non, j'amène le sujet. Il s'est fait plus ou moins virer. Enfin, disons qu'il a quitté son club comme un accord avec le président. Son club, c'était le Racing Métro. 92, qu'on dit en français. Voilà, qui est le deuxième club de Paris, plus ou moins après le Stade Français. Donc, le Stade Français, c'est les Roses. C'est ça. Et les autres, c'est les bleus clairs. Voilà. Et là, il y a un nouveau club qui existe depuis quelques années, là, où j'imagine qu'il a reçu un peu des subventions. 50 parce que. Non, je sais pas. Enfin, bref, non, mais ils ont acheté quelques stars. Ça parle de rugby. Oui, on parle de rugby, tout à fait. Donc, le Racing Metro 92, ils sont séparés de Chabal. Voilà, Chabal. Chabal, l'homme à la grosse tête, le gros corps, une grosse barbe, des cheveux tirés en arrière à la queue de cheval. À la queue de cheval. Et surtout à la toute petite voix. Comme ça. C'est ça, ouais. Une voix à la Marcel Desailly, un c'est petit clair, peu. C'est clair, dans ce genre-là. Ouais. Sur YouTube, il y a une vidéo là, de sa transformation physique, je sais pas si tu vois, avec une sorte de morphing de sa tête là, ouais. En 10 ans, c'est impressionnant. Enfin, avant, il était jeune et normal. Après, il est devenu Cro-Magnon en 10 ans, quoi, bizarre. Enfin, bref, bah voilà, ouais, je sais pas, il cherche un club. Hein, donc, voilà. Si tu connais un club, toi, auditeur, n'hésite pas. Je pensais quand même à son entraîneur, au président qui l'a viré, il faut quand même avoir. Faut quand même avoir des coronesses pour virer Chabal, quoi, pour lui dire dégage. Faut oser, quoi, c'est bien, bravo. Bah ouais, c'est clair, quand tu vires un mec comme ça, tu lui fais pas une réponse de normand. Je pense qu'il faut tout de suite se mettre en garde et en défensive, quoi. Faut reculer d'un pas, je pense. En tout cas, on va se faire un petit suspense. Tu nous fais le roulement de tambour. Comme d'habitude, chaque semaine, un roulement différent. 3, 2, 1, roulement de tambour. J'ai ramené ma tirelire. Et les gagnants est... Tortoli et Arbatax. C'est voilà. Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Et oui, sur ce coup-là, on est donc gagnant. Voilà, on s'est administré tous les deux le titre marche. De français de la semaine, étant donné que oui, vous l'aurez compris, on est français. Et que oui, vous l'aurez compris, c'est notre anniversaire. C'est donc aujourd'hui, on a 2 ans. C'est les 2 ans de notre émission. Donc on fait ce qu'on veut. Voilà, on a gagné. Puis c'est tout. On se met une petite danse. Allez. Sympathique. Super. J'étais encore en train de j'étais encore en train de danser tranquille. Tortoli et Arbatax qui ont donc 2 ans. Et qui vont sur leurs 3 ans, pour la précision. Tu les fais pas. Toujours est-il qu'avant d'aller sur nos 3 ans... J'ai toujours des couches, hein, quand même. Je vois ça. Je vois ça. Ça va, t'arrives à marcher maintenant? Ouais, mais on voit vite un morceau, là. Faut que j'aille changer ma couche, là, justement. On va passer plutôt à un nouveau... Nouvelle chronique? Oui. Enfin, plutôt nouvelle chronique. Qui est encore toute jeune, mais qui a déjà eu son. Elle aussi, hein, ça fait 3 semaines qu'elle est présente. C'est le drap cartan, attention. Et elle remporte un franc succès à chaque fois. Jingle. Tortoli et Arbatax présentent le drap cartan. Alors, on reste toujours sur ce petit air de guinguette. Mais la différence est telle que c'est le drap cartan, donc le drap cartan qui nous emmène tout droit en Scandinavia. Scandinavia. C'est bien là, parce que cette semaine en plus on est tranquille, on peut en parler. Qu'est-ce que la Scandinavie? Alors, la Scandinavie, non, je déconne. Cette semaine, on part en Scandinavie, dans les fjords, et 2 morceaux comme d'habitude. Petite mouvance reggae cette semaine, hein, sur les 2 morceaux. À la scoussi, ouais, puisque le premier morceau s'appelle Let the Fire Burn, avec entre parenthèses Ganja. Donc le mec il a tout mis, ouais, il a tout mis dans son titre. On voit bien de où est-ce qu'il va en venir, je pense. Le bonhomme s'appelle Ras Cricket. Ouais, Ras Cricket. Donc ouais. Là on a encore une continuité avec la fouine, Ras Mott, je sais pas, ouais, là, oui, la fouine Cricket, oui, voilà. Tout à fait. Non, bizarre, mais. Qui sied pas mal à son physique, hein, de Scandinave, on peut de le dire. De Scandinave. Pas très grand, le cheveu et la barbe hirsute. Exact. Voilà, Ras Cricket, mais qui a un petit succès récemment, là. On entend de plus en plus parler de lui. Toujours des infos. Ouais. Il vient d'où, lui, déjà? Alors, ce monsieur vient de Suède. Suède, okay, il vient du sud de Malmö et. Du sud d'habitude, de la Suède. D'habitude, il chante. Enfin, quand je dis d'habitude, c'est que j'ai pris pour habitude d'écouter ces titres en suédois. Mais là, étant donné le public de Radio Panique, on a préféré vous passer un petit morceau où il chante en anglais. Let the fire burn. On va vous passer ça direct. On se met bien. Continuez à envoyer vos cadeaux. Ras Cricket, Let the fire burn. C'est le drap cartan, Tortoli, Arbatax. Get you up and I want chance for the massive them. Let the fire burn, let this be for my room. Hear this now. Mother Almighty, all of us to you. Strictly natural. Me not eat no pills and me not drink no booze. No. Herbal meditation, I ya love and I ya shoes. I'm in the shoes, herbal meditation. Let me say, I'm a never who must tell my name. I consider it a danger. Tell me why. Make the ganja man your friend. I consider it no dangerous thing. No. Legalize the young man a chance. Léna, ça a l'air bon, qu'est-ce que vous mangez? Un fiotte! Radio Panique. Et quoi? Un fromage blanc? Ou un yaourt? Non! Fiotte, c'est une recette unique de... Radio Panique. Un goût crémeux et doux, avec juste 6% de matière grasse, pour en manger aussi souvent que vous voulez. On arrive! Fiotte de Radio Panique. Initiez-vous à sa douceur. Tortoli et Herbatax. De retour dans les studios. Et de retour dans le dracard de Tortoli Herbatax, on est toujours en Scandinavie et juste là, on s'était écouté le morceau de Ras Cricket qui s'appelait Let the Fire Burn, quelque chose comme ça. Yes. Entre parenthèses, ganja, très important à rappeler. Les mecs qui cherchent sur internet, la plupart des trucs que tu mets pour une recherche, c'est des trucs entre parenthèses qui arrivent à la fin de la phrase, quoi. Donc là, tu tapes ganja entre parenthèses. Ils ont mis le mot-clé entre parenthèses, effectivement. Tu tombes sur Ras Cricket. On annonçait un duo reggae, et donc effectivement, le deuxième morceau va être d'une artiste danoise qui s'appelle Natasja. On en a déjà parlé dans l'émission, on en a même parlé très tôt dans cette émission, dans l'histoire de Tortelier Herbatax. Je crois qu'elle faisait partie de la première ou de la deuxième émission. Exact, c'était en 2010. Ouais, elle a fait partie très très tôt de l'aventure Tortelier Herbatax. Elle a toujours été là en fait. Hein. Toujours est-il que Natasja, dit Natasja Saad, est une chanteuse reggae danoise, d'où le Drakkartan. Et voilà, elle est devenue, disons, hyper populaire en 2007 avec son hit from the bong. Il s'appelait Calabria. C'était en duo avec Enour. Voilà. Toujours est-il que la pauvre Natasja fille d'un photographe danois. Christine Saad, et d'un père soudanais, d'où le joli mélange facial. Elle est pas mal, effectivement. Elle était. Par contre, oui, voilà. Tu l'as dit, elle était, puisqu'elle est morte en juin 2007 dans un accident de voiture à Spanishton. Spanishton, Sainte-Catherine, Jamaïque. Oui, pas Sainte-Catherine dans Sarthe. Non, pas celui-là. Voilà, ouais. Effectivement, elle nous a quitté en 2007. Bah, je sais pas, elle devait avoir 24 ans, hein, 25 ans, non ? Je sais pas. Dans ces 74 zones-là. Plus 2007, on est à 27. Ah non. 27 ans. 33 non. 33. Pff, 33. Autant pour moi. Ouais, mais bon, c'est notre anniversaire. Deux ans d'émission, c'est peu quand même. Compte pas les années, il n'y a pas de souci. Bah, dans sa petite carrière, elle a sorti trois albums. Le premier, c'était en 2005, The Release Album, l'album de sortie donc. 2007 en danois, I Danmark R. Jeg Foyt. Bon, faut pas me demander plus. C'est 2008, le dernier album. J'ai la traduction si tu veux. Ça veut dire au Danemark, je suis né. Ah ok, ah oui, in Denmark I am born, d'accord, ok, pas mal. Et décidément je me mettrai pas au Danois. Et le dernier album, c'est un album posthume puisqu'il est sorti en 2008 et il s'appelait Shooting Star. En parlant d'étoile, elle est vraiment panée sous une bonne étoile, la pauvre Natasja, puisque en 98, alors qu'elle envisageait une carrière de jockey professionnel, comme moi, elle comptait monter des bourrins dans sa vie professionnellement. Malheureusement, elle a chuté et donc elle a donc arrêté tout de suite cette vocation de jockey pour se remettre à la musique un peu plus. Comme quoi, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, c'est pour te rappeler que c'est quand même la fête. Hein. Enfin, c'est notre anniversaire. Pardon, effectivement, je suis un peu cool tonton, comme ça, je m'assois là. Oui, tonton oui. Un petit peu mortuaire là, comme ça. Non. Ça va. Arrêtons. Arrête, elle défonce, elle a un flow de malade. Il y avait moult morceaux qu'on aurait pu choisir. Celui-là, il est en danois, il s'appelle Fiermin. Traduction. Je supposerais que ça voudrait dire pour les miens. Fiermin pour les miens, mais si quelqu'un a la réponse, qu'il la donne. Ou qu'il se taise à tout jamais. Tortoli et Herb Attax. Leave the land got an order knock. Dying got to a kidnap. Till the first idiot that she had to hat. For the way you got a gamle trycke sultne men. Med gamle stycke sultne sen. Lökta dig med släcke pinna. Tro mig den är riktig grön. Hey. I pass på ditt liv, på ditt ve, ditt väl. Check dig själv för du dummer dig hjälp. I ta nu vara på din kropp och din själ. Ser du världen den är under kärlighet kan vara fel. Pilil, vär nu inte så lätt och lite till. Du har den god pakke, där är många där vill pille. Vi smil och lad dem mærke allt vad de vill. Och sig det som det är, sig det till dem med stil. Gå nu väck med dig selv och din pik. Fia min när du får den ik. Jag vet att den är fin men du har ingen respekt. Så få lite skick på din lille pik. Sex är gott, sex är fritt, sex är sunt. Och det får hela världen till att snurra runt. Sex är bäst när det var mer än ett sekund. Och det ska helt säkert inte göra ont. Sex är gott när man får vad man kan rum. Men vissa pornofilmer skulle rimligt grum. De borde vist ha en advarsel i starten. Fullständigt liksom i Jackass. Yo, don't try this shit at home. Så ro på den lille kropp. Livet är långt och du når det nok. Der är ingen grund till att ge den upp. Till den första idiot och ser du hot. För du vet ju gott. Præcis hvad det er du har. Du har magten for du har den dyrbar. Du er fint, vi har magt, men den bringer dig i far. I barn, nu er ikke så fucking på og parat. Du gør dem skyde klar, når du spiller gryde klar. Mund du har, mund du tør, det tager at spille smart. Hvis ikke så pas dig selv og giv dem svar på kommentar. Så du da her, grimmer du ikke? Tror du selv, at jeg vil have din pik? Du må vist videre og hilse din klik. Fire min, når du får den ikke. Le concept étant que bah, nous, ça fait 2 ans qu'on est là, donc voilà. Si t'as jamais écouté, tu peux dire des trucs quand même. Bah ouais. Ce que je trouve super utile, c'est la petite rubrique expression. Et voilà, ça, c'est pas du n'importe quoi. Toi, tu t'en sers de cette rubrique pour briller en société. Ouais, je prends des notes et... Ah ouais, j'ai super assidu. Très bien. Merci. Ça fait combien de temps que t'as panique, toi? 2 ans et demi. Ouf. Ouais, 3 ans en mars. D'accord. Plus que nous, quoi. Plus un peu plus que nous, dommage. Dommage. Bon, bah, très bien. Ok, merci Maxime. Yes, de retour dans les studios Tortoli Arbatax. On approche de la fin de l'émission et on laissera dans quelques instants la place à Djiboutique pour sa première émission du mois de février et donc l'agenda culturel Djiboutique. Ah, c'est bon, ils sont de retour. Ils sont de retour. Nathalie a guéri sa gastro. Voilà, ils sont tous de retour. C'est bon. Voilà, tout est en place. Tout est en place au niveau de Djibouti. Très bien, bah, je vérifierai quand même. J'irai voir. On touche à la fin de cette émission. C'était donc l'émission spéciale 2 ans. 2 ans de son. 2 ans de. Oui, de son, on va le dire. Voilà. J'allais dire autre chose. De leçon. De son. Et merci à tous ceux qui nous ont lâché des petits messages d'anniversaire, que ce soit en live. Enfin, en live, il n'y en a pas eu encore, mais je compte bien qu'il y en ait un, peut-être. Et à tous ceux qui nous ont fait d'enregistrer des petits messages et qui nous ont lâché des petits messages sur Facebook. D'ailleurs, on va les remercier, comment on dit, nominément. Oh, je vais les nommer. Marquant la 8, Héloïse Ferreira, Edouard Aimé, Olive Roigne, Jean-Emmanuel Trifex pour B, Véronique Taz, Charles Montmarde, Fouad Chamas, Anne-Sophie Paris, André Naipirena, Déborah Vandamme, Sophie Davo, je ne sais pas, Laetitia Avrache, Tristan Selecta Kila, Mister Toubab, Electa. Etelka, Radoya, oh merde, en plus je la connais, Ayona, Nunes Tolin, Zazu Castoncou, Sophie Demeyer, Andrea Mouzan, Martin Bassan et Julien Sommers. Drôle de prénom ce dernier. Oui, drôle d'homme, drôle de type. Drôle de type. Des auditeurs fidèles. Et Damien qui est là. Check, check. Voilà, on m'entend. Excellent. Ben voilà, en live, hein. J'ai été le chercher dans les couloirs, je l'ai tiré, j'ai dit viens nous dire quelque kidnappé, chose. Kidnappé, ben voilà, je tombe bien. Bon anniversaire, Tortoli Arbatax. Ben merci. Bravo. Merci. Voilà, merci, c'est cool. Merci. Ça fait plaisir. Radio Panique. Ça fait plaisir. Toi, t'as une émission, toi, ici à Panique aussi. Ouais, la tentative, le lundi matin. Avec Guillaume et toute l'équipe. Voilà. Très bon. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? Ça fait un peu plus de 2 ans, je crois. Ah, un peu plus. Ouais, un peu plus de 2 ans. Faudrait ouais, que tu vérifies quand même. Une réponse de Normand, encore une fois. Si c'est 2 ans ou moins de 2 ans. C'est sûrement plus de 2 ans. Ah merde. D'accord, ouais, c'est à toi qu'on doit le respect, en fait. On te doit le respect. Vous êtes les juniors. Bon, bah c'est cool, super. On va repaufiner tout ça dans les détails. On vous laisse se quitter, en tout cas, avec un classique. Bah, il s'appelle Happy Birthday. Jusque-là, rien d'original. Par contre, c'est signé Jimi Hendrix. C'est le classique de la semaine. Ça, c'est beaucoup plus original. Non. Enfin, bref, toujours est-il Jimi Hendrix. Oui. On a une petite info sur ce mec. Aucune, non. Il s'appelle Jimmy et son nom, c'est. Combien de M à Jimmy? Je dirais 2. Combien de M à Jimmy? Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr des 2 M. Tu peux dire un chiffre entre 0 et 3 M? Ouais, je dirais un seul. J'ai un peu de mal avec les 2 M. Et toi, Tortoli, tu dirais 3 peut-être? Non, moi je dis 1. Un seul? Bah, normal, j'ai la réponse sous les yeux. D'accord. C'est 1 M. Bravo. J-I-M-I. Et voilà, et en parlant de petits jeux comme ça, on rappelle que la semaine prochaine, il y a la Pias Nights. Donc, les 2 soirées d'ailleurs du label Pias à Tour et Taxi. Ce sera le 16 et 17 février, jeudi et vendredi prochain. On fait gagner des places la semaine prochaine. Restez connectés donc avec nous. Tortoli Arbatax, on se rejoint mardi prochain et donc 2 places, je pense, à gagner. Ok. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc il y a Djiboutique juste derrière. Yes. Je confirme, Nathalie a encore la gastro. Ah, oula. Mon pauvre. Mon pauvre. Allez, on va lancer. On va lancer le classique. On fuit. Elle fuit. Merci Nat. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Me a happy birthday. Everybody wishing. Everybody's wishing me a happy birthday. Everybody's wishing me a real good time.